Rhapsodie 4. Les dieux, assis auprès de Zeus, étaient réunis sur le pavé d'or, et la vénérable Hébé versait le nectar, et tous, buvant les coupes d'or, regardaient la ville des Troyens. Et le Cronide voulut irriter Érée par des paroles mordantes, et il dit : deux déesses défendent Ménélaos, Érée, l'Argienne, et la protectrice, Athénée. Mais elles restent assises, et ne font que regarder, tandis qu'Aphrodité, qui aime les sourires, ne quitte jamais Alexandros, et écarte de lui l'équerre. Et voici qu'elle l'a sauvé, comme il allait périr. Mais la victoire est à Ménélaos, chère à Arès. Songeons donc à ceci. Faut-il exciter de nouveau la guerre mauvaise et le rude combat, ou sceller l'alliance entre les deux peuples? S'il plaît à tous les dieux, la ville du roi Priamos restera debout, et Ménélaos emmènera l'Argienne et l'aînée. Il parla ainsi, et les déesses Athénée et Érée se mordirent les lèvres, et, assises à côté l'une de l'autre, elles méditaient la destruction des Troyens. Et Athénée restait muette, irritée contre son père Zeus, et une sauvage colère la brûlait. Mais Érée ne put contenir la sienne et dit : très dur Cronide, quelle parole as-tu dite ? Veux-tu rendre vaines toutes mes fatigues et la sueur que j'ai suée ? J'ai lassé mes chevaux en rassemblant les peuples contre Priamos et contre ses enfants. Fais donc, mais les dieux ne t'approuveront pas. » Et Zeus, qui amasse les nuées, très irrité, lui dit : malheureuse, quel mot si grand Priamos et les enfants de Priamos t'ont-ils causé que tu veuilles sans relâche détruire la forte citadelle d'Ilios ? Si, dans ces larges murailles, tu pouvais dévorer Priamos et les enfants de Priamos et les autres Troyens, peut-être ta haine serait-elle assouvie. Fais selon ta volonté, et que cette dissension cesse désormais entre nous. Mais je te dirai ceci, et garde mes paroles dans ton esprit. Si jamais je veux aussi détruire une ville habitée par des hommes qui te sont amis, ne t'oppose point à ma colère, et laisse-moi agir, car c'est à contre-cœur que je te livre celle-ci. De toutes les villes habitées par les hommes terrestres, sous Hélios et sous l'Ouranos étoilé, aucune ne m'est plus chère que la ville sacrée d'Ilios, où sont Priamos et le peuple de Priamos qui tient la lance. Là, mon autel n'a jamais manqué de nourriture, de libations et de graisse, car nous avons cet honneur en partage. » Et la vénérable Érée aux yeux de bœuf lui répondit : certes, j'ai trois villes qui me sont très chères, Argos, Sparte et Mycénée, aux larges rues. Détruis-les quand tu les haïras, et je ne les défendrai point, mais je m'opposerai en vain à ta volonté, puisque tu es infiniment plus puissant. Il ne faut pas que tu rendes mes fatigues vaines. Je suis déesse aussi, et ma race est la tienne. Le subtil Cronos m'a engendrée, et je suis deux fois vénérable, par mon origine et parce que je suis ton épouse, à toi qui commandes à tous les immortels. Cédons-nous donc tour à tour, et les dieux immortels nous obéiront. Ordonne qu'Athénée se mêle au rude combat des Troyens et des Achaïens, qu'elle pousse les Troyens à outrager les premiers, les fiers Achaïens, malgré l'alliance jurée. » Elle parla ainsi, et le père des hommes et des dieux le voulut, et il dit à Athénée ces paroles ailées : va très promptement au milieu des Troyens et des Achaïens, et pousse les Troyens à outrager les premiers, les fiers Achaïens, malgré l'alliance jurée. » Ayant ainsi parlé, il excita Athénée déjà pleine de ce désir, et elle se précipita des sommets de l'Olympos. Comme un signe lumineux que les fils du subtil Cronos envoient aux marins et aux peuples nombreux, et d'où jaillissent mille étincelles, Pallas Athénée s'élança sur la terre et tomba au milieu des deux armées. Et sa vue emplit de frayeur les Troyens dompteurs de chevaux et les Achaïens aux belles Cnémides. Ils se disaient entre eux : certes, la guerre mauvaise et le rude combat vont recommencer, où Zeus va sceller l'alliance entre les deux peuples, car il règle la guerre parmi les hommes. Ils parlaient ainsi, et Athénée se mêla aux Troyens, semblable au brave Laodocos, en Ténoride, et cherchant Pandaros, égal au dieu. Et elle trouva debout le brave et irréprochable fils de Lycaon, et autour de lui la foule des hardis porte-boucliers qui l'avaient suivi des bords de l'Aïsepos. Et s'étant approché, Athénée lui dit en paroles ailées : te laisseras-tu persuader par moi, brave fils de Lycaon ? Et oserais-tu lancer une flèche rapide à Ménélaos ? Certes, tu serais comblé de gloire et de gratitude par tous les Troyens, et surtout par le roi Alexandros. Et il te ferait de riches présents s'il voyait le brave Ménélaos, fils d'Atréus, dompté par ta flèche et montant sur le bûcher funéraire. courage, tire contre le noble Ménélaos et promets une belle hécatombe à l'illustre archer Apollon lykien quand tu seras de retour dans la citadelle de Zéléiée la Sainte. » Athénée parla ainsi et elle persuada l'insensé et les tira de l'étui un arc luisant, dépouille d'une chèvre sauvage et bondissante qu'il avait percée à la poitrine comme elle sortait d'un creux de rocher. Et elle était tombée morte sur la pierre et ses cornes étaient hautes de 16 palmes. Un excellent ouvrier les travailla, les polis et les dora à chaque extrémité. Et Pandaros, ayant bandé cet arc, le posa à terre, et ses braves compagnons le couvrirent de leurs boucliers, de peur que les fils des courageux Achaïens vinssent à se ruer, avant que le brave Ménélaos, chef des Achaïens, ne fût frappé. Et Pandaros ouvrit le carquois et en tira une flèche neuve, ailée, source d'amère douleur. Et il promit à l'illustre archer Apollon lykien une belle hécatombe d'agneau premier-né, quand il serait de retour dans la citadelle de Zéléiée la Sainte. Et il saisit à la fois la flèche et le nerf de bœuf, et les ayant attirés, le nerf toucha sa mamelle, et la pointe des reins toucha l'arc, et le nerf vibra avec force, et la flèche aiguë s'élança, désirant voler au travers de la foule. Mais les dieux heureux ne t'oublièrent point, Ménélaos, et la terrible fille de Zeus se tint la première devant toi pour détourner la flèche amère. Elle la détourna comme une mère chasse une mouche loin de son enfant, enveloppée par le doux sommeil. Et elle la dirigea là où les anneaux d'or du baudrier forment comme une seconde cuirasse. Et la flèche amère tomba sur le solide baudrier, et elle le perça ainsi que la cuirasse artistement ornée, et la mitre qui, par-dessous, garantissait la peau des traits. Et la flèche la perça aussi, et elle effleura la peau du héros, et un sang noir jaillit de la blessure. Comme une femme maïonienne ou carienne, teint de pourpre, l'ivoire destiné à orner le mors des chevaux, et qu'elle garde dans sa demeure, et que tous les cavaliers désirent, car il est l'ornement d'un roi, la parure du cheval et l'orgueil du cavalier, ainsi Ménélaos, le sang rougit tes belles cuisses et tes jambes, jusqu'aux chevilles. Et le roi des hommes, Agamemnon, frémit de voir ce sang noir couler de la blessure. Et Ménélaos, cher à Arès, frémit aussi. Mais quand il vit que le fer de la flèche avait à peine pénétré, son cœur se raffermit. Et au milieu de ses compagnons qui se lamentaient, Agamemnon, qui commande au loin, prenant la main de Ménélaos, lui dit en gémissant, « Cher frère, c'était ta mort que je décidais par ce traité, en t'envoyant seul combattre les Troyens pour tous les Achaïens, puisqu'ils t'ont frappé et ont foulé aux pieds des serments inviolables. Mais ces serments ne seront point vains, ni le sang d'Isagneau, ni les libations sacrées, ni le gage de nos mains unies. Si l'Olympien ne les frappe point maintenant, il les punira plus tard, et ils expieront par tes calamités terribles cette trahison qui retombera sur leurs têtes, sur leurs femmes et sur leurs enfants. Car je le sais, dans mon esprit, un jour viendra où la sainte Ilios périra, et Priamos, et le peuple de Priamos habile à manier la lance. Zeus Cronide, qui habite l'Éther, agitera d'en haut sur eux sa terrible aigide, indigné de cette trahison qui sera châtiée. Ô Ménélaos, ce serait une amère douleur pour moi si, accomplissant tes destinées, tu mourrais. Couvert d'opprobre, je retournerai dans Argos, car les Achaïens voudraient aussitôt rentrer dans la terre natale, et nous abandonnerions l'Argienne et l'aînée comme un triomphe à Priamos et aux Troyens. Et les orgueilleux Troyens diraient, foulant la tombe de l'illustre Ménélaos, « Plaise au dieu qu'Agamemnon assouvisse toujours ainsi sa colère. Il a conduit ici l'armée inutile des Achaïens, et voici qu'il est retourné dans son pays bien-aimé, abandonnant le brave Ménélaos. » Ils parleront ainsi un jour, mais alors que la profonde terre m'engloutisse. Et le blond Ménélaos, le rassurant, parla ainsi. Reprends courage, et n'effraie point le peuple des Achaïens. Le trait aigu ne m'a point blessé à mort, et le baudrier m'a préservé, ainsi que la cuirasse, le tablier et la mitre que de bons armuriers ont forgés. Et Agamemnon, qui commande au loin, lui répondant, parla ainsi. Plaise au dieu que cela soit, ô cher Ménélaos. Mais un médecin soignera ta blessure et mettra le remède qui apaise les noires douleurs. » Il parla ainsi et appela le héros divin, Taltibios. « Taltibios, appelle le plus promptement possible l'irréprochable médecin Macaon, Asclépiade, afin qu'il voie le brave Ménélaos, prince des Achaïens, qu'un habile archer troyen ou lykien a frappé d'une flèche, il triomphe, et nous sommes dans le deuil. » Il parla ainsi, et le héros lui obéit. Et il chercha parmi le peuple des Achaïens aux tuniques d'airain le héros Machaon, qu'il trouva debout au milieu de la foule belliqueuse des porte-boucliers qu'il avait suivis de Trichée, nourrice de chevaux. Et, s'approchant, il dit ces paroles ailées. « Lève-toi, Asclépiade, Agamemnon, qui commande au loin, t'appelle, afin que tu voies le brave Ménélaos, fils d'Atréus, qu'un habile archer troyen ou lycien a frappé d'une flèche. Il triomphe, et nous sommes dans le deuil. » Il parla ainsi, et le cœur de Machaon fut ému dans sa poitrine. Et ils marchèrent à travers l'armée immense des Achaïens. Et quand ils furent arrivés à l'endroit où le blond Ménélaos avait été blessé et était assis, égal aux dieux, en un cercle formé par les princes, aussitôt Machaon arracha le trait du solide baudrier, employant les crochets aigus. Il détacha le riche baudrier et le tablier et la mitre que de bons armuriers avaient forgés. Et, après avoir examiné la plaie faite par la flèche amère et sucé le sang, il y versa adroitement un doux baume que Chiron avait autrefois donné à son père, qu'il aimait. Et tandis qu'il s'empressait autour de Ménélaos hardi au combat, l'armée des Troyens porteurs de boucliers s'avançait, et les Achaïens se couvrirent de nouveau de leurs armes, désirant combattre. Et le divin Agamemnon n'hésita ni se ralentit, mais il se prépara en hâte pour la glorieuse bataille, et il laissa ses chevaux et son char ornés d'airain. Et le serviteur Eurymédon, fils de Ptolémaïos Péirade, les retint à l'écart, et l'Atréide lui ordonna de ne point s'éloigner, afin qu'il pût monter dans le char, si la fatigue l'accablait, pendant qu'il donnait partout ses ordres. Et il marcha à travers la foule des hommes, et il encourageait encore ceux des Danaïens aux rapides chevaux qu'il voyait pleins d'ardeur. « Argiens, ne perdez rien de cette ardeur impétueuse, car le père Zeus ne protégera point le parjure. Ceux qui, les premiers, ont violé nos traités, les vautours mangeront leur chair. Et quand nous aurons pris leur ville, nous emmènerons sur nos nefs leurs femmes bien-aimées et leurs petits-enfants. » Et ceux qu'il voyait lents au rude combat, il leur disait ces paroles irritées. « Argiens promis à la pique ennemie, lâches, n'avez-vous point de honte? Pourquoi restez-vous glacés de peur, comme des biches qui, après avoir couru à travers la vaste plaine, s'arrêtent épuisées et n'ayant plus de force au cœur? C'est ainsi que, glacés de peur, vous vous arrêtez et ne combattez point? Attendez-vous que les Troyens pénètrent jusqu'aux nefs aux belles poupes sur le rivage de la Blanche Mer et que le Cronion vous aide ?» C'est ainsi qu'il donnait ses ordres en parcourant la foule des hommes. Et il parvint là où les Crétois s'armaient autour du brave Idoménéus. Et Idoménéus, pareil à un fort sanglier, était au premier rang. Et Mériones hâtait les dernières phalanges. Et le roi des hommes, Agamemnon, ayant vu cela, s'en réjouit et dit à Idoménéus ces paroles flatteuses. « Idoménéus, certes, je t'honore au-dessus de tous les Danaïens aux rapides chevaux, soit dans le combat, soit dans les repas, quand les princes des Achaïens mêlent le vin vieux dans les cratères. Et si les autres Achaïens chevelus boivent avec mesure, ta coupe est toujours aussi pleine que la mienne, et tu bois selon ton désir. Cours donc au combat, et sois tel que tu as toujours été. » Et le prince des Crétois, Idoménéus, lui répondit, « Atréide, je te serai toujours fidèle, comme je te l'ai promis. Va, encourage les autres Achaïens chevelus, afin que nous combattions promptement, puisque les Troyens ont violé nos traités. La mort et les calamités les accableront, puisque les premiers, ils se sont parjurés. » Il parla ainsi, et l'Atréide s'éloigna, plein de joie. Et il alla vers les Aïas, à travers la foule des hommes. Et les Aïas s'étant armés, suivis d'un nuage de guerriers. Comme une nuée qu'un chevrier a vue d'une hauteur, s'élargissant sur la mer, sous le souffle des Éphyros, et qui, par tourbillons épais, lui apparaît de loin plus noire que la poix, de sorte qu'il s'inquiète et pousse ses chèvres dans une caverne. De même, les noires phalanges, hérissées de boucliers et de piques des jeunes hommes, nourrissons de Zeus, se mouvaient derrière les Aïas pour le rude combat. Et Agamemnon, qui commande au loin, les ayant vus, se réjouit et dit ces paroles ailées. « Aïas, prince des Argiens, aux tuniques d'airain, il ne serait point juste de vous ordonner d'exciter vos hommes, car vous les pressez de combattre bravement. Père Zeus, Athénée, Apollon, que votre courage emplisse tous les cœurs. Bientôt la ville du roi Priamos, s'il en était ainsi, serait renversée, détruite et saccagée par nos mains. » Ayant ainsi parlé, il les laissa et marcha vers d'autres. Il trouva Nestor, l'harmonieux agorète des Pyliens, qui animait et rangeait en bataille ses compagnons autour du grand Pélagon, d'Alastor, de Chromios, de Haïmon et de Bias, prince des peuples. Il rangeait en avant les cavaliers, les chevaux et les chars, et en arrière les fantassins braves et nombreux, pour être le rempart de la guerre, et les lâches au milieu, afin que chacun d'eux combattît forcément. Et il enseignait les cavaliers, leur ordonnant de contenir les chevaux et de ne point courir au hasard dans la mêlée, que nul ne s'élance en avant des autres pour combattre les Troyens, et que nul ne recule, car vous serez sans force. Que le guerrier qui abandonnera son char pour un autre combatte plutôt de la pique, car ce sera pour le mieux. Et c'est ainsi que les hommes anciens qui ont eu ce courage et cette prudence ont renversé les villes et les murailles. Et le vieillard les exhortait ainsi, étant habile dans la guerre depuis longtemps. Et Agamemnon, qui commande au loin l'ayant vu, se réjouit et lui dit ces paroles ailées. « Ô vieillard, plutôt Dieu que tes genoux eussent autant de vigueur, que tu eusses autant de force que ton cœur a de courage. Mais la vieillesse, qui est la même pour tous, t'accable. Plutôt Dieu qu'elle accabla plutôt tout autre guerrier et que tu fusses des plus jeunes. » Et le cavalier gérénien Nestor lui répondit « Certes, Atréide, je voudrais être encore ce que j'étais quand je tuais le divin Eurotalion. Mais les dieux ne prodiguent point tous leurs dons aux hommes. Alors j'étais jeune, et voici que la vieillesse s'est emparée de moi. Mais tel que je suis, je me mêlerai aux cavaliers, et je les exciterai par mes conseils et par mes paroles, car c'est la part des vieillards. » Il parla ainsi, et l'Atréide joyeux alla plus loin. Il trouva le cavalier Ménestheus immobile, et autour de lui les Athanéens belliqueux, et auprès le subtil Odysseus, et autour de ce dernier la foule hardie des Képhaléniens. Ils n'avaient point entendu le cri de guerre, car les phalanges des Troyens dompteurs de chevaux et des Achaïens commençaient de s'ébranler. Ils se tenaient immobiles, attendant que d'autres phalanges achaïennes, s'élançant contre les Troyens, commençassent le combat. Et Agamemnon, les ayant vus, les injuria, et leur dit ces paroles ailées. « Ô fils de Pétéos, d'un roi issu de Zeus, et toi, qui es toujours plein de ruses subtiles, pourquoi, saisi de terreur, attendez-vous que d'autres combattent ? Il vous appartenait de courir en avant dans le combat furieux, ainsi que vous assistez les premiers à mes festins, où se réunissent les plus vénérables des Achaïens. Là, sans doute, il vous est doux de manger des viandes rôties et de boire des coupes de bon vin autant qu'il vous plaît. Et voici que maintenant vous verriez avec joie 10 phalanges des Achaïens combattre avant vous, armés de l'airain meurtrier. » Et le subtil Odysseus, avec un sombre regard, lui répondit. « Atréide, quelle parole s'est échappée de ta bouche ? Comment oses-tu dire que nous hésitons devant le combat ? Lorsque nous pousserons le rude Arès contre les Troyens dompteurs de chevaux, tu verras si tu le veux. Et si cela te plaît, le père bien-aimé de Télémachos au milieu des Troyens dompteurs de chevaux. Mais tu as dit une parole vaine. » Et Agamemnon, qui commande au loin, le voyant irrité, sourit et, se rétractant, lui répondit. « Subtil Odysseus, divin Laertiade, je ne veux t'adresser ni injure ni reproche. Je sais que ton cœur dans ta poitrine est plein de desseins excellents, car tes pensées sont les miennes. Nous réparerons ceci si j'ai mal parlé. Va donc, et que les dieux rendent mes paroles vaines. » Ayant ainsi parlé, il les laissa et alla vers d'autres. Il les trouva Diomédès, l'orgueilleux fils de Tydéus, immobile au milieu de ses chevaux et de ses chars solides. Et Sthénélos, fils de Capaneus, était auprès de lui. Et Agamemnon, qui commande au loin les ayant vus, l'injuria et lui dit ces paroles ailées. « Ah, fils du brave Tydéus, dompteur de chevaux, pourquoi trembles-tu et regardes-tu entre les rangs ? Certes, Tydéus n'avait point coutume de trembler, mais il commandait hardiment l'ennemi, et hors des rangs, en avant de ses compagnons. Je ne l'ai point vu dans la guerre, mais on dit qu'il était au-dessus de tous. Il vint à Mycénée, avec Polynéikès, égal aux dieux, pour rassembler les peuples et faire une expédition contre les saintes murailles de Thébée. Et il nous conjurait de leur donner de courageux alliés, et tous y consentaient. Mais les signes contraires de Zeus nous en empêchèrent, et ils partirent, et quand ils furent arrivés auprès de l'Asopos, plein de joncs et d'herbes, Tydéus fut l'envoyé des Achaïens. Et il partit, et il trouva les Cadméiones en grand nombre, mangeant dans la demeure de la force éthéocléenne. Et là, le cavalier Tydéus ne fut point effrayé, bien qu'étranger et seul au milieu des nombreux Cadméiones. Et il les provoqua aux luttes, et les vainquit aisément, car Athénée le protégeait. Mais les cavaliers Cadméiones, pleins de colère, lui dressèrent, à son départ, une embuscade de nombreux guerriers commandés par Maillon Arimonide, tels que les immortels, et par Lycophontès, hardi guerrier, fils d'Autophonos. Et Tydéus les tua tous, et n'en laissa revenir qu'un seul. Obéissant au signe des dieux, il laissa revenir Maillon. Tel était Tydéus l'Aïtolien. Mais il a engendré un fils qui ne le vaut point dans le combat, s'il parle mieux dans l'agora. Il parla ainsi, et le brave Diomédès ne répondit rien, plein de respect pour le roi vénérable. Mais le fils de l'illustre Capaneus répondit à l'Atréide. « Atréide, ne mens point, sachant que tu mens. Certes, nous nous glorifions de valoir beaucoup mieux que nos pères, nous qui, confiant dans les signes des dieux et avec l'aide de Zeus, avons pris Thébée aux sept portes, ayant conduit sous ses fortes murailles des peuples moins nombreux. Nos pères ont péri par leur propre faute, ne compare donc point leur gloire à la nôtre. » Et le robuste Diomédès, avec un sombre regard, lui répondit « Ami, tais-toi et obéis. Je ne mérite point de ce que le prince des peuples Agamemnon excite les Achaïens aux Obelknémides à combattre. Car si les Achaïens détruisent les Troyens et prennent la Sainte Ilios, il en aura la gloire. Mais si les Achaïens sont détruits, il en portera le deuil. Occupons-nous tous deux de la guerre impétueuse. » Il parla ainsi et sauta de son char à terre avec ses armes. Et l'airain retentit terriblement sur la poitrine du roi, et ce bruit aurait troublé le cœur du plus brave. Et comme le flot de la mer roule avec rapidité vers le rivage, poussé par Zéphyros, et, se gonflant d'abord sur la haute mer, se brise violemment contre terre, et se hérisse autour des promontoires en vomissant l'écume de la mer, de même, les phalanges pressées des Danaïens se ruaient au combat, et chaque chef donnait des ordres, et le reste marchait en silence. On eût dit une grande multitude muette, pleine de respect pour ses chefs, et les armes brillantes resplendissaient, tandis qu'ils marchaient en ordre. Mais, telles que les nombreuses brebis d'un homme riche, et qui bêlent sans cesse à la voix des agneaux, tandis qu'on trait leur lait blanc dans l'étable, les Troyens poussaient des cris confus et tumultueux de tous les points de la vaste armée, et leurs cris étaient poussés en beaucoup de langues diverses par des hommes venus d'un grand nombre de pays lointains. Et Arès excitait les uns, et Athénée, aux yeux clairs, excitait les autres, et partout allaient la crainte et la terreur, et la furieuse et insatiable Eris, sœur et compagne d'Arès, tueur d'hommes, et qui d'abord est faible, et qui, les pieds sur la terre, porte bientôt sa tête dans l'Ouranos. Et elle s'avançait à travers la foule, éveillant la haine et multipliant les gémissements des hommes. Et quand ils se furent rencontrés, ils mêlèrent leurs boucliers, leurs piques et la force des hommes aux cuirasses d'airain. Et les boucliers bombés se heurtèrent, et un vaste tumulte retentit. Et on entendait les cris de victoire et les hurlements des hommes qui renversaient ou étaient renversés, et le sang inondait la terre. Comme des fleuves gonflés par l'hiver tombent du haut des montagnes et mêlent leurs eaux furieuses dans une vallée qu'ils creusent profondément et dont un berger entend de loin le fracas, de même le tumulte des hommes confondus roulait. Et le premier, Antilochos, tua Échépolos, Thalysiade, courageux Troyen, brave entre tous ceux qui combattaient en avant. Il le frappa au casque couvert de crins épais, et il perça le front, et la pointe des reins entra dans l'os. Et le Troyen tomba comme une tour dans le rude combat. Et le roi Elphénor, Chalcodontiade, prince des magnanimes Abantes, le prit par les pieds pour le traîner à l'abri des traits et le dépouiller de ses armes. Mais sa tentative fut brève, car le magnanime Agénor, l'ayant vu traîner le cadavre, le perça au côté d'une pique d'airain, sous le bouclier, tandis qu'il se courbait, et le tua. Et sur lui se rua un combat furieux de Troyens et d'Achaïens. Et comme des loups, ils se jetaient les uns sur les autres, et chaque guerrier en renversait un autre. C'est là qu'Aias Télamonien tua Simoeisios, fils d'Anthémion, jeune et beau, et que sa mère, descendant de Lyda pour visiter ses troupeaux avec ses parents, avait enfanté sur les rives du Simoïs, et c'est pourquoi on le nommait Simoeisios. Mais il ne rendit pas à ses parents bien-aimés le prix de leurs soins, car sa vie fut brève, ayant été domptée par la pique du magnanime Aias. Et celui-ci le frappa à la poitrine, près de la mamelle droite, et la pique d'airain sortit par l'épaule. Et Simoeisios tomba dans la poussière comme un peuplier dont l'écorce est lisse et qui, poussant au milieu d'un grand marais, commence à se couvrir de hauts rameaux, quand un constructeur de char le tranche à l'aide du fer aiguisé pour en faire la roue d'un beau char. Et il gît, flétri, au bord du fleuve. Et le divin Aias dépouilla ainsi Simoeisios, hanté Myonide. Et le Priamide, Antiphos, à la cuirasse éclatante, du milieu de la foule, lança contre Aias sa pique aiguë. Mais elle le manqua et frappa Alène, le Cos, brave compagnon d'Odysseus, tandis qu'il traînait le cadavre, et le cadavre lui échappa des mains. Et Odysseus, irrité de cette mort, s'avança, armé de l'airain éclatant, au-delà des premiers rangs, regardant autour de lui et agitant sa pique éclatante. Et les Troyens reculèrent devant l'homme menaçant. Mais il ne lança point sa pique en vain, car il frappa Démochone, fils naturel de Priamos, et qui était venu d'Abydos avec ses chevaux rapides. Et Odysseus, vengeant son compagnon, frappa Démochone à la tempe, et la pointe des reins sortit par l'autre tempe, et l'obscurité couvrit ses yeux. Et il tomba avec bruit, et ses armes retentirent. Et les Troyens les plus avancés reculèrent, et même l'illustre Hector. Et les Achaïens poussaient de grands cris, entraînant les cadavres et se ruant en avant. Et Apollon s'indigna, les ayant vus du fait de Pergamos, et d'une voix haute, il excita les Troyens. « Troyens, dompteurs de chevaux, ne le cédez point aux Achaïens. Leur peau n'est ni de pierre ni de fer pour résister, quand elle en est frappée, à l'airain qui coupe la chair. Achilleus, le fils de Thétis à la belle chevelure, ne combat point. Il couve, près de ses nefs, la colère qui lui ronge le cœur. » Ainsi parla le dieu terrible, du haut de la citadelle. Et Tritogenia, la glorieuse fille de Zeus, marchant au travers de la foule, excitait les Achaïens là où ils reculaient. Et la moire saisit Diorès, un marinchéide, et il fut frappé à la cheville droite d'une pierre anguleuse. Et ce fut l'Ambrasie de Peiros, prince des Thraciens, et qui était venu d'Aïnos, qui le frappa. Et la pierre rude fracassa les deux tendons et les os. Et Diorès tomba à la renverse dans la poussière, étendant les mains vers ses compagnons et respirant à peine. Et Péros accourut et enfonça sa pique près du nombril, et les intestins se répandirent à terre, et l'obscurité couvrit ses yeux. Et comme Péros s'élançait, l'Aïtolien Thoas le frappa de sa pique dans la poitrine, au-dessus de la mamelle, et l'airain traversa le poumon. Puis il accourut, arracha de la poitrine la pique terrible, et, tirant son épée aiguë, il ouvrit le ventre de l'homme et le tua. Mais il ne le dépouilla point de ses armes, car les Thraciens, aux cheveux ras et aux longues lances, entourèrent leur chef et repoussèrent Thoas, tout robuste, hardi et grand qu'il était. Il recula loin d'eux. Ainsi les deux chefs, l'un des Thraciens, l'autre des Épéiens, aux tuniques d'airain, étaient couchés côte à côte dans la poussière, et les cadavres s'amassaient autour d'eux. Si un guerrier sans peur du combat, et que l'airain aigu n'eût encore ni frappé ni blessé, eût parcouru la mêlée furieuse, et que Pallas Athénée l'eût conduit par la main, écartant de lui l'impétuosité des traits, certes, il eût vu, en ce jour, une multitude de Troyens et d'Achaïens renversés et couchés confusément sur la poussière.